بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد on continue inshallah wa tabarak wa ta'ala la traduction du livre Taysir al-Allam Sharh Umdat al-Ahkam un livre de Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière on avait traité le hadith de Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu ainsi que celui de Aisha radiyallahu ta'ala anha qui sont les 8e et 9e hadith du livre Umdat al-Ahkam. Et comme pour habitude, l'un d'entre vous doit réciter inshallah un ou plusieurs les hadiths que l'on a traités la semaine dernière. Qui est volontaire pour le hadith d'Abdullah ibn Zayd? الوطا تفضل عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم دخل يده في التور فغسل فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم دخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة ثم دخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم دخل يديه فمسح برأسه فأقبل بهما ورد ثم أدخل يديه نعم فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر ثم غسل رجليه مرة واحدة فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة نعم رواه البخاري ومسلم ثم غسل رجليه نعم رواه البخاري ومسلم وفي رواية بدأ بمقدم رأسه فمسح بهما إلى قفاه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه نعم وفي رواية جاءنا رسول الله صلى الله أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر متفق عليه نعم والصفر أو التور نوع من الطست نعم طيب بارك الله فيك أنا أنت فولونتير بو سو حديث و بو لو نوفيام حديث عائشة تفضل أخي الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله رواه البخاري ومسلم. طيب بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم. Donc le dixième hadith de Umdat al-Ahkam selon Nu'aym al-Mujmir, selon Abu Huraira radiyallahu anha, selon d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté sera appelée le jour du jugement Ghurran Muhajjalin. Ghurran Muhajjalin, c'est-à-dire illuminé. Ghurran, c'est-à-dire le visage illuminé, et Muhajjalin, c'est-à-dire les membres du corps également illuminés. Min athar al-wudu. Et cette lumière est due à la trace qu'ont laissé les ablutions. Et celui qui a parmi vous, celui qui a la possibilité de détendre cette lumière, qu'il le fasse. Celui parmi vous qui a la possibilité d'étendre cette lumière, qu'il le fasse, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans d'autres termes du hadith, Al-Nu'aym ibn al-Mujmir dit: j'ai vu Abu Huraira radiallahu anhu faire ses ablutions. Il a lavé son visage et ses mains jusqu'à arriver, ou jusqu'à ce qu'il soit presque arrivé aux épaules. Puis, il a lavé ses pieds jusqu'à presque être arrivé aux mollets. Puis il a dit, c'est-à-dire Abu Huraira radiallahu anhu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: ma communauté sera appelée le jour du jugement le visage et les membres illuminés de par les traces des ablutions. Celui d'entre vous qui a la possibilité d'étendre cette lumière dans le visage et dans les membres, qu'il le fasse. Rapporté par Muslim. Et dans des termes de Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu a dit: j'ai entendu mon ami sallallahu alayhi wa sallam dire: les bijoux du croyant arriveront jusque là où arrivent les ablutions. Hadith apporté par Muslim dans son Sahih. يقول المؤلف رحمه الله: غريب الحديث يدعون مبني للمجهول ينادون نداء تشريف وتكريم. يدعون, c'est-à-dire qu'ils seront appelés. Ma communauté sera appelée le jour du jugement. Est-ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui les appellera? Est-ce que l'appeleur est connu ou il est inconnu? Il est majhoul, il est inconnu. Ils seront appelés, c'est-à-dire d'une façon noble et d'une façon respectueuse. Qui les appellera? Ça peut être Allah Azza wa Jal ou bien les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghurran bi dhammi al-ghin wa tashdid ar-ra jam'u aghar asluha lum'atun bayda'un fi jabhati al-faras fa utliqat 'ala nuri wujuhihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté sera appelée le jour du jugement Ghurra. Et ici Cheikh al-Bassam rahimahullah explique le terme ghurra, qui est le pluriel de aghar. Et aghar, son sens, est ou est issu de la blancheur qu'il y a sur le front du cheval. Quand vous voyez les chevaux, qu'ils soient noirs, marrons ou d'autres couleurs, ils ont une tache blanche sur leur front. C'est ce qui est appelé en arabe « aghar ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette expression pour montrer ou pour exprimer la lumière des visages. C'est-à-dire que les visages de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam seront ressuscités le jour du jugement en ayant le visage resplendissant et dégageant de la lumière. « Thalithan muhajjalin min at-tahjil » وهو بياض يكون في قوائم الفرس والمراد به هنا النور الكائن في هذه الأعضاء يوم القيامة تشبيها بتحجيل الفرس. Ils seront, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ghurra, ils seront ressuscités ghurra, c'est-à-dire les visages resplendissants. Muhajjalin, qui vient du mot at-tahjil en arabe, qui lui a la signification, ou qui signifie le blanc qu'il y a sur les membres sur lesquels se repose le cheval. Le cheval se repose sur ses quatre pattes. Et dans ses pattes également, il y a cette blancheur qui est similaire presque à celle présente sur leur front. Et le sens du hadith, c'est-à-dire que ces membres et les chevaux et les animaux en arabe, on dit qu'ils ont des mains et qu'ils ont des jambes. On dit que les animaux en arabe ont des mains et ont des jambes. Quelles sont les mains, quelles sont les jambes? Les pattes avant. Les pattes avant, c'est quoi? Pour les mains. C'est les mains. Non. Il y a un khilaf, ahsant. Il y a un khilaf sur cela. Et de ce khilaf, en découle une autre divergence qui est, doit-on se prosterner sur les genoux ou sur les mains? Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on se prosterne comme s'agenouille un chameau. Et c'est là où il y a la divergence des savants. Le chameau s'agenouille-t-il en précédant ses mains ou en précédant ses jambes? Et c'est là où il y a la divergence des savants. Et les savants d'Arabie et les savants d'Orient ou du Moyen-Orient se vantent, et ils ont le droit, d'être ceux qui côtoient les chameaux, et ceux qui connaissent les chameaux. Et ils disent que les chameaux, leurs mains sont en avant ou en arrière. Ce sont les deux membres, avant ou arrière? Ils disent que ce sont les deux membres avant. Ce sont les deux membres avant. Et ils disent que le chameau, lorsqu'il s'agenouille, il commence par ses mains. Donc il faut précéder les genoux avant les mains. Et les autres savants ont dit non, les mains ce sont celles qui sont derrière et les jambes ce sont celles qui sont devant. Car au niveau de l'articulation, les articulations des pattes avant d'un chameau, comment elles sont articulées? Est-ce qu'elles sont articulées comme nos bras ou comme nos genoux? Comme? Non? Elles sont articulées comme ça, devant. Et derrière, c'est articulé comme ça. Donc devant s'articuler comme ça, ça ressemble à nos genoux. Donc ce serait leurs jambes. Et les pas de derrière sont articulés comme nos bras, donc ce sont leurs mains. Or le chameau pour eux précède les genoux avant, précède les jambes avant les mains. Donc nous devons précéder, nous, les mains avant les genoux. À la Kulihal, il y a un khilaf des savants sur cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le sens du hadith du prophète sallam, c'est que sa communauté sera ressuscité en ayant les membres, c'est-à-dire les pieds et les mains, ainsi que les bras, autrement dit les membres des ablutions qui seront illuminés le jour du jugement. Rabi'an al-wudu bidamm al-waw huwa al-fi'l. Quatrièmement, al-wudu qui signifie l'acte. Khamisan min athar al-wudu علة للغرة والتحجيل. Et ceci grâce aux traces des ablutions. Ceci est l'explication, la cause de l'illumination de leur visage et des membres de leur corps. Qu'est-ce qui fait qu'ils auront le visage et les autres membres illuminés? C'est grâce à aux ablutions. C'est les traces qu'auront laissé ces ablutions. يقول المؤلف رحمه الله المعنى الإجمالي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة من بين الأمم حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول أبو هريرة: فمن قدر على إطالة هذه الغرة فليفعل، لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل، لأن حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle à sa communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés d'une faveur qui est propre à eux, et ceci pour montrer le mérite de cette communauté et le fait qu'elle est respectée d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, et ceci sera ou c'est un privilège qu'Allah azza wa jalla accorde à cette communauté qu'il n'accorde pas à toutes les autres. Quel est ce privilège? C'est qu'ils seront appelés le jour du jugement en présence de l'ensemble des créatures d'Allah azza wa jalla, en ayant les visages, les mains et les pieds illuminés. Et ceci, ou cette lumière, sera la conséquence ou le bénéfice de cette adoration immense qui est le fait d'accomplir ces ablutions qu'ils ont répétées et fait régulièrement durant leur vie, et ceci en espérant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant également sa récompense. Et la récompense d'Allah azza wa jal sera de les appeler le jour du jugement dans une posture comme celle-ci. Puis Abu Huraira radiallahu anhu a dit: celui qui a la possibilité d'élargir cette lumière, qu'il le fasse, car plus l'endroit qui est lavé du membre est grand, et plus cette lumière sera grande, car la lumière recouvrera le membre jusque là où l'eau de l'ablution aura atteint. Donc l'imam, le cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah, explique le sens général du hadith, et il y a une chose importante qu'il a dit, à savoir que celui qui a la possibilité d'étendre la lumière, qu'il le fasse. Est-ce la parole du prophète sallam ou celle d'Abu Huraira? Non. Ici, le cheikh al-Bassam rahimahullah dit que c'est la parole d'Abu Huraira radiallahu anhu, et cette précision n'est pas sans raison, et elle n'a pas été dite à ce moment-là cela est expliqué, et on va le voir par la suite pourquoi est-ce que Cheikh al-Bassam rahimahullah dit que c'est la parole d'Abu Huraira et pourquoi il n'a pas dit que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-khilaf fi italat al-ghurra, la divergence des savants sur le fait d'étendre et de laver plus que les membres des ablutions. Car dans le hadith que l'on a vu, Abu Huraira radiallahu anhu, lorsqu'il faisait ses ablutions et qu'il lavait ses bras, il arrivait presque aux épaules, et lorsqu'il lavait ses pieds, il arrivait presque aux mollets. Quel est le jugement de cet ajout? Quel est le jugement de ce surplus? Est-ce mieux pour celui qui veut avoir, le jour du jugement, non pas les mains et les bras illuminés, mais ou les avant-bras illuminés, mais l'ensemble du bras? Est-ce qu'on lui conseille de laver ses bras jusqu'aux épaules? Et s'il veut que ses pieds ou ses jambes soient illuminés, alors il faut qu'il dépasse le pied lorsqu'il le lave? Ou bien doit-on lui dire: non, tu dois te contenter de laver les membres qu'a lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les membres qu'Allah azza wa jalla nous a ordonné dans le Coran de laver? Il y a dans cela une divergence des savants. يقول الشيخ البسام اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأيدوا رأيهم بما يأتي ممكن دي رحمه الله دي سافون ont divergé sur la limite qui est obligatoire de laver, à savoir la délimitation du visage, des mains, des pieds, lors des ablutions. La plupart des savants considèrent qu'il est autorisé de dépasser ses membres, c'est-à-dire de laver plus que le visage, de laver plus que les mains jusqu'au coude, et de laver plus que les pieds jusqu'aux chevilles. Et quelle est leur preuve sur le fait que cela est préférable et conseillé? C'est ce hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu que nous expliquons actuellement. Ils sont d'accord que le fait de dépasser est préférable, mais ils divergent sur ce dépassement, sur la quantité de ce dépassement. Est-ce que c'est jusque la moitié du bras, est-ce que c'est jusqu'à l'épaule, avant l'épaule, après l'épaule, est-ce qu'il n'y a pas de limite? Là par contre sur la délimitation ils ne sont pas tout à fait d'accord. Et l'avis de l'imam Malik, et c'est également une version selon l'imam Ahmed, est que cela n'est pas préférable, qu'il n'est pas préférable, qu'il n'est pas recommandé de dépasser ou de laver plus que les membres des ablutions. C'est l'avis également qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ainsi que son élève ibn al-Qayyim rahimahullah, et c'est également l'avis, comme le dit Abdullah al-Bassam, de son Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Car on l'a vu lors de la biographie de Cheikh al-Bassam que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di était son professeur et c'était son Cheikh. Il a donc le même Cheikh que Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, et ils ont entre autres étudié la science presque en même temps rahimahullah al-jami'. Puis il dit, et ils ont appuyé leur avis par ce qui suit. Donc il va donner les preuves de ces savants qui disent qu'il ne faut pas laver plus que les membres des ablutions. أولا مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوة تحتاج إلى دليل والحديث الذي معنا لا يدل عليها وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة وعمل أبي هريرة فهم له وحده من الحديث ولا يصار إلى فهمه مع المعارض الراجح أما قوله فمن استطاع فرجحوا أنها مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Premièrement, leur premier argument est le fait que de dépasser les membres des ablutions qui sont obligatoires et qui sont cités dans Sourate Al-Ma'ida, à savoir Al-Wajh Wal-Yadayn Wal-Rijlayn, de laver le visage, les mains jusqu'au coude, d'essuyer la tête et de laver les pieds jusqu'aux chevilles, c'est ce qui doit être lavé obligatoirement. Et le fait de dire que de dépasser ses membres est une adoration, c'est une affirmation qui a besoin de preuves. Quant au hadith que nous expliquons actuellement, il n'y a pas de preuve dans cela. Il y a seulement la preuve que ces membres de des ablutions seront illuminés le jour du jugement. Et l'acte d'Abu Huraira radiallahu anhu, à savoir d'avoir dépassé lors de ses ablutions les coudes et les chevilles, que cela est sa compréhension à lui, radiallahu ta'ala anhu, c'est sa compréhension du hadith. Et on ne doit pas prendre en compte son avis, alors qu'il contredit ce qui est plus authentique. qu'est-ce qui est plus authentique? Al-Qur'an, mais aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le hadith où Uthman radiallahu anhu a décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le hadith d'Abdullah ibn Zayd qui décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup d'autres hadiths qui décrivent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé, lorsqu'il avait ses bras, les coudes. Et lorsqu'il avait ses pieds, il n'a jamais dépassé les chevilles. Donc tous ces hadiths authentiques qui ont été rapportés par plusieurs compagnons sont une preuve qu'on ne doit pas dépasser. Et si le fait de dépasser doit être une adoration et que cela est préférable, alors il faut une preuve. Or, la parole ou le fait de dépasser n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, et c'est également ce qu'ont dit les savants lorsqu'ils ont dit amma qawluhu faman istata'a, quant à la parole, celui qui a la possibilité, c'est ce qu'on a vu dans le hadith, celui qui a la possibilité d'étendre cette lumière, qu'il le fasse. Ils disent que c'est que cette ziyada, que cet ajout dans le hadith est appelé ziyadatul mudraja. Et là on rentre dans la science du hadith où les savants disent que al hadithul mudraj, c'est un hadith qui comporte un ajout dans le texte du hadith. Un ajout qui n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui d'entre vous qui a la possibilité d'étendre la lumière, qu'il le fasse », cela n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est l'interprétation, c'est donc la parole de Abu Huraira radiallahu anhu, et c'est donc son interprétation qu'il a cité juste après avoir cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'avis, c'est un avis très fort, et comme le dit Cheikh al-Bassam, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de l'imam ibn al-Qayyim, et également de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, mais également beaucoup d'autres savants bien avant eux qui ont parlé, parmi eux al-Hafidh ibn Hajar, sur ce hadith. Et on verra par la suite que cet ajout n'est pas connu des savants du hadith que dans cette version de Abu Huraira radiallahu anhu que rapporte de lui Nu'aym radiallahu ta'ala anhu. Na'am. Comment vous dites que ce passage là il est de lui et pas du prophète? Justement, on va le voir après pourquoi est-ce que ça ne peut pas être la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va le voir. Na'am. Naam, c'est ça, mudraj, c'est ce qu'on appelle le mudraj. Naam, c'est pour ça qu'il dit ici farajahu annaha mudraja. Et le mudraja, c'est une ziyada mudraja, donc c'est un hadith mudraj, où cette parole est mudraja, c'est-à-dire qu'elle a été rajoutée et que celui qui lit pourrait croire que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, law sallamna bihada liqtida أن تجاوز الوجه إلى الشعر إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا لو سلمنا بهذا لاقتضى أن تجاوز الوجه إلى شعر الرأس لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا. Deuxième argument, c'est que si nous avions accepté cette version ou cet ajout et que l'on considère que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela sous-entendrait qu'il est autorisé également de laver plus que le visage, et que on pourrait laver en plus du visage les cheveux. Et cela ne serait pas appelé ghurra. Cela ne serait pas appelé ghurra, car en arabe, al-ghur, c'est ce qui a lieu sur le visage et non pas au-dessus. Et lorsque l'on parle des cheveux, on ne parle plus du visage, mais on parle de la tête. Et là, on sortirait du sens de ghur dans la langue arabe. Donc ceci vient également appuyer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu dire une telle parole. Thalithan, لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. Troisième argument, il n'a été rapporté par aucun des compagnons du professeur Asselam qu'il a compris le hadith de cette façon, à savoir de dépasser les membres obligatoires des ablutions. Bien au contraire, il a été rapporté, selon Abu Huraira radiallahu anh, qu'il se cachait lorsqu'il faisait ses ablutions de peur que les gens trouvent étrange ce qu'il faisait. De peur que les gens trouvent étrange ce qu'il faisait. Donc cela vient soutenir le fait que c'est un ijtihad d'Abu Huraira radiallahu anh, et ce n'est en aucun cas une critique envers lui, où cela ne remet pas en cause la valeur et le statut d'Abu Huraira radiallahu anh, mais c'est un mujtahid comme les autres mujtahids. Si il est dans la vérité, ou si son effort, l'effort qu'il a produit, l'amène à la vérité, alors il sera doublement récompensé. Et si l'effort qu'il a produit, ou cette compréhension du hadith du professeur Asselam qu'il a eu, sachant qu'il fait partie des compagnons du professeur Asselam qui ont le plus de science et qui ont le plus rapporté les hadiths du professeur Asselam, eh bien, si cet effort l'amène à se tromper, il sera récompensé une seule fois, comme le professeur Asselam l'a dit dans le hadith al-Bukhari. Rabi'an, إن كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه يغسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه. وقال في الفتح: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. Quatrième argument, tous ceux qui ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont décrit dans leur description que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait son visage, ses mains jusqu'aux coudes et ses pieds jusqu'aux chevilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas laisser ce qu'il y avait de meilleur à chaque fois qu'il faisait ses ablutions. Tous ses compagnons qui ont vu les ablutions du professeur Asselam, si le fait de dépasser les coudes et de dépasser les chevilles était bien, était recommandé, le professeur Asselam n'aurait pas manqué de le faire. Et il a dit dans le fait, c'est-à-dire Al-Hafid ibn Hajar, je n'ai vu cette phrase, c'est-à-dire « Man istata'a minkum an yutila ghurratahu aw tahjilahu falyaf'al », je n'ai pas vu cette phrase, où je n'ai vu cette phrase dans aucune version de ceux qui ont rapporté ce hadith parmi les compagnons du professeur Asselam, et ils sont au nombre de 10, ni de ceux qui ont rapporté d'Abu Huraira radiallahu anh, sauf la version de Nu'aym, celle-ci. Donc ce hadith a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anh dans d'autres versions, mais des versions qui n'ont pas été rapportées selon Nu'aym, car ici le hadith c'est selon Nu'aym al-Mujmir, selon Abu Huraira. Donc ici c'est Nu'aym al-Mujmir qui rapporte d'Abu Huraira. Il y a d'autres hadiths, d'autres versions de ce hadith qui elles aussi sont d'Abu Huraira radiallahu anhu, mais pas selon Nu'aym al-Mujmir. Et dans ces versions, la phrase فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ n'apparaît pas. Celui qui a la possibilité d'étendre cette lumière, qu'il le fasse. Elle n'apparaît pas dans toutes ces versions. Khamisan, al-ayatu al-karima tuhaddidu mahal al-fard bil-mirfaqayn wal-ka'bayn wa hiya min awakhir al-Qur'an nuzula wa ilayka nass kalam ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabih Had al-Arwah qala akhraja fi as-sahihayn was-siyaq li-Muslim an Abi Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurayra wa huwa yatawaddau lis-salah fakana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtah فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وقد احتج بهذا من يقول وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الوجه والمرفقين والكعبين ثم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم فهذا يرد قولهم فولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب وهو قول أهل المدينة وورد فيه عن أحمد روايتان والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. Cinquièmement, le cinquième argument, il dit, rahimahullah, le cinquième argument, c'est les versets du Coran, autrement dit dans Sourate Al-Ma'idah. والله عز وجل دي أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله عز وجل dans les versets de سورة المائدة a défini les membres qui doivent obligatoirement être lavés et les a délimités par les genoux, par les coudes et les chevilles. Et ces versets font partie des derniers versets descendus du Coran. Donc ces versets ont été descendus vers la fin de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Al-Bassam dit, et voici un extrait de la parole, des paroles, ou un extrait de paroles de l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Hadil Arwah. Il dit, c'est-à-dire à l'imam Ibn Al-Qayyim, ils ont rapporté dans les deux sahih, Wasiyaqul Muslim, et celui qui cite ce, ou qui décrit ou qui raconte ce déroulement est Muslim dans son sahih selon Abu Hazim. Il dit, j'étais derrière Abu Huraira radiallahu anhu alors qu'il faisait ses ablutions pour la prière. فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه. Et il lavait ses mains jusqu'à arriver aux aisselles. Il lavait ses bras jusqu'à arriver aux aisselles. Donc dans le hadith que l'on a vu, il arrivait presque aux épaules. Mais ici, Abu Hazim qui a vu Abu Hurayra radhiyallahu anhu faire ses ablutions, il arrivait jusqu'aux aisselles. Et ceci montre la motivation des compagnons et que lorsqu'ils ont compris une chose et qu'ils la considèrent comme vérité, ils font de leur mieux pour avoir le plus de récompenses. Et Abu Hazim radiallahu anhu rahimah a dit, j'ai dit, oh Abu Huraira, quelles sont ces ablutions? Il a dit, oh les enfants de Farrukh, oh Banu Farrukh, vous êtes là? Si je savais que vous étiez là, je n'aurais pas fait mes ablutions de la sorte. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Tablughu al-hilyatu min al-mu'min, les bijoux du croyant arriveront là où arrive l'eau de l'ablution, ou l'eau des ablutions. Quel est le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Tablughu al-hilyatu min al-mu'min, haythu yablughu al-wudu, que les bijoux du croyant arriveront là où arrive l'eau des ablutions. Qui connaît la signification? La signification, c'est que le jour du jugement, les croyants, et au paradis également, auront des bijoux. Et Allah Azza wa Jalla en a parlé dans le Coran, auront des bijoux qui seront soit d'or, soit d'argent, ou soit de perles. Et ces bijoux, les croyants les porteront au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les bijoux qu'ils porteront recouvriront les membres, leurs membres, comme recouvrent l'eau des ablutions les membres. Autrement dit, les bijoux des croyants qu'ils porteront iront jusqu'au coude et aux pieds jusqu'aux chevilles. Et c'est le sens de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et نعم, et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته. Et certains ont utilisé ce hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Donc Abu Huraira radiallahu anhu a été surpris en train de faire ses ablutions de la sorte. Et il a dit, si je savais que tu étais là ou que vous étiez là, je n'aurais pas fait mes ablutions de cette façon. Cela prouve que c'est un ijtihad d'Abu Huraira, que c'est un effort personnel et c'est sa compréhension personnelle du hadith. Et en aucun cas, il n'a voulu l'imposer aux autres. Et pour justifier cette interprétation, il a dit, j'ai entendu le professeur Asselem dire que les bijoux des croyants au paradis arriveront là où arrive l'eau des ablutions. Et comme Abu Hurairah est un compagnon qui aime le bien et qui veut le plus de bien possible, eh bien, il veut avoir le plus de bijoux possible. Donc, il s'est dit, plus je vais laver et plus j'aurai de bijoux. Et certains savants ont utilisé ce hadith d'Abu Huraira pour dire, comme on l'a vu, qu'il est préférable de laver al-adud. Al-adud, c'est quoi? C'est le bras, mais la partie haute du bras. Al-sa'id, c'est l'avant-bras. Et al-adud, c'est la partie supérieure du bras. Et certains savants ont utilisé ce hadith pour dire qu'il est préférable de laver al-adud et même plus. Et de également allonger ou de laver plus que la cheville. Et parmi ces savants qui ont considéré cela préférable, certains parmi Al-Hanafiyya, parmi Shafi'iyya et parmi Al-Hanabila. Et il dit, rahimahullah, à savoir l'imam al-Qayyim, وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم s'est contenté de laver son visage et de laver ses coudes ainsi que ses chevilles, c'est-à-dire les bras jusqu'aux coudes et les pieds jusqu'aux chevilles. Puis il a dit, c'est-à-dire le prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui dépasse cela a alors fait un mal et a offensé. Celui qui lave plus que le coude et plus que la cheville aura alors fait une erreur, il aura fait un mal et il aura offensé. Et c'est un hadith authentique apporté par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah. فَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَهُمْ. Et ce hadith du professeur sallam vient répondre et rejette la parole des savants qui disent qu'il est préférable de laver plus. وَلِيَدَا. Et ainsi, ce qui est authentique, c'est que cela n'est pas préférable. Et c'est l'avis des gens de Médine. Et c'est également l'avis de l'imam Ahmed dans deux versions. Et ce hadith ne prouve pas qu'il est autorisé de dépasser, car les bijoux sont une beauté pour l'avant-bras et pour le poignet, non pour le haut du bras et pour les épaules. Lorsque l'on porte des bijoux, c'est pour embellir quoi? Les épaules? Ou pour embellir le haut du bras? Ou en général, les bijoux, c'est pour embellir l'avant-bras et pour embellir les poignets. Et le professeur Sam a parlé de bijoux. Et un bijou, moi en tout cas personnellement, j'ai jamais vu un bijou pour embellir son épaule ou pour embellir le haut du bras. Donc justement, le hadith vient confirmer qu'il ne faut pas dépasser ses membres. Et le hadith du professeur Asselam, lorsqu'il dit celui qui dépasse a leur fait un mal et a offensé, est plus que clair. Puis l'imam Ibn al-Qayyim continue, rahimahullah, son argumentation en disant وَأَمَّا قَوْلُهُ فَمَنْ إِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدْرَجَةٌ فِي الْحَدِيثِ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نُعَيْمٌ فَلَا أَدْرِي قَوْلَهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ عِنْدِهِ وَكَانَ شَيْخُنَا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة انتهى كلامه رحمه الله. Puis l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, comme je l'ai dit, continue son argumentation et dit « Et quant à la parole, ou quant à sa parole, celui d'entre vous qui a la possibilité d'étendre la lumière du visage, qu'il le fasse. Ceci est un ajout mudraj dans le hadith. Et il fait partie des paroles ou de la parole d'Abu Huraira et non de la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. » ont démontré cela plus d'un hafid. Il n'y a plus d'un hafid, c'est-à-dire le hufad al-hadith, des savants du hadith qui apprennent et qui mémorisent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus d'un ont montré que, ce n'est, que cette parole n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celle d'Abu Huraira radiallahu anhu. Et dans le musnad de l'imam Ahmed, dans ce hadith, An-Nu'aym a dit. Donc il y a la version de l'imam Ahmed, la version que nous étudions, nous, c'est celle de Bukhari et de Muslim, mais dans la version de l'imam Ahmed, rahimahullah, An-Nu'aym, qui rapporte de qui d'Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit, dans la version de l'imam Ahmed, dans son Musnad, je ne sais pas, sa parole, celui qui a la possibilité d'étendre la lumière de son visage, qu'il le fasse, je ne sais pas si c'est la parole du professeur Assalam, ou si c'est une chose qu'a dit Abu Huraira radiallahu anhu de lui-même. Donc ici, il y a également un doute de Nu'aym radiallahu anhu wa rahima sur le fait d'attribuer cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que cette parole n'est présente que dans la version de Nu'aym selon Abu Huraira. Donc toutes les versions ne parlent pas de cet ajout, mais en plus, la seule version qui parle de cet ajout, le rapporteur d'Abu Huraira dit que qu'il doute sur sur cette parole, est-ce celle du professeur Rasulallah ou celle d'Abu Huraira. Wa kana shaykhuna, ici c'est l'imam Ibn Qayyim qui parle, il dit, et notre cheikh qui était Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Là c'est, on est en train de lire la parole de l'imam Ibn Qayyim. Wa kana shaykhuna وكان الشيخ هنا يعني ابن تيمية رحمه الله a dit cette phrase ou ces mots ou ces termes ne peuvent être ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam car al-ghurra ne peut avoir lieu dans les mains. On a dit que al-ghurra c'est ce qui ce qui précise le visage. وَلَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ. Mais, au contraire, الْغُرَّة ne peut avoir lieu que dans le visage, c'est-à-dire la lumière ou le visage illuminé. Et le fait de laver plus que le visage rentrerait dans cela la tête. Or, le terme غُرَّة parle exclusivement du visage et non de la tête. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Ainsi se termine l'argumentation de l'imam Ibn Qayyim. Donc on voit comment les savants sont minutieux dans leur argumentation et comment ils décortiquent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment ils mettent chaque chose à sa place et c'est également cela prouve la valeur des savants et le fait que ce sont les protecteurs de cette religion. Allah Azza wa Jal protège cette religion à travers qui ? À travers les savants qui apprennent cette religion, qui la comprennent comme il se doit, car ce sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, très rares sont les incohérences qui leur échappent. On aktafi bihada al-qadr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.